بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو أول أيام شهر ربيع الثاني من عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الرابع والثلاثين من هجرة ندخل في الدرس الرابع والثلاثين من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والباب هو باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 1er février 2014, et ceci est le 34e cours du livre « Les qualités sublimes du prophète Mohammed » sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam et auteur Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, nous avons terminé la lecture du chapitre concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre concernant la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bab ma ja'a fi haya'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur, avant d'entrer dans ce chapitre, est une qualité parmi les qualités des croyants. La pudeur est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de son serviteur. Elle est une branche parmi les branches de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Ce qui veut dire, la foi est composée de 60 et quelques branches, et dans une version authentique du hadith, 70 et quelques branches. La plus haute étant de dire la ilaha illallah, et la plus basse étant d'ôter du chemin un obstacle ou une chose qui gêne. Et la pudeur fait partie de la foi, est une branche de la foi. Donc on voit que la pudeur fait partie de la foi. Quand on dit qu'elle fait partie de la foi, on dit que celui qui est décrit par la pudeur est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a différentes branches qui sont les branches de la foi. La plus haute branche de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. Et le minimum, le plus bas degré de la foi, c'est le fait d'enlever de la route ce qui gêne. Et entre ce haut degré et ce minimum, il y a certaines choses parmi lesquelles la pudeur. La pudeur est un acte du cœur. Elle vient du cœur et il va découler de cette pudeur des actes. Il va découler de cette pudeur des comportements, des façons de se comporter, des façons de parler. Et Allah Azza wa Jalla en est plus savant, mais il se peut que la raison pour laquelle l'imam al-Tirmidhi rahimahullah a cité ce chapitre concernant la pudeur tout de suite après le chapitre sur le comportement, c'est que il voulait nous expliquer que la cause de ce bon comportement qu'on vient de lire, c'est la pudeur qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Celui qui n'a pas de pudeur va avoir des mauvais comportements sans le moindre doute. Celui qui n'a pas de pudeur va désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas de pudeur va s'éloigner de la foi. Et moins il a de pudeur, plus il désobéira Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Ce qui veut dire, parmi les paroles qui sont parvenues des prophètes Premier, il y a deux points. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et les savants ont expliqué ce hadith de deux façons. Ils ont dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors fais ce que bon te semble et tu verras la menace d'Allah s'abattre sur toi. À l'image de quelqu'un qui éduque, par exemple, un enfant et qui lui dit d'une chose qu'il a interdit de faire, mais que l'enfant veut quand même faire, va faire cette chose. Puis quand cet enfant va faire cette chose, il le frappe ou bien il le corrige. Eh bien ici, c'est ce qui est voulu, selon la première explication. La deuxième explication de ce même hadith, certains savants ont dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu n'as pas de pudeur et si tu manques de pudeur, forcément tu vas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que bon te semble. Et la chose qui t'a poussé à faire ce que tu veux, c'est ton manque de pudeur. Donc on voit l'importance de la pudeur. Et avant tout, la plus grande des pudeurs, c'est la pudeur envers Allah. Al-haya'u min Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Istahyu min Allah haqq al-haya. Ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Quelle fut la réponse des sahaba, des compagnons radiyallahu anhum? Qalu inna lanastahi min Allah walhamdulillah. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, on éprouve de la pudeur envers Allah. Et loué soit Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Al-haya'u min Allah an tahfaz al-ra'sa wa ma wa'a wa an tahfaz al-batna wa ma hawa wa an tadhkur al-maut wal-bila wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah haqq al-haya. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous citer des éléments qui vont nous montrer la véritable pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, tout le monde va dire qu'il a de la pudeur envers Allah. Mais qu'est-ce que la pudeur envers Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, la véritable pudeur envers Allah consiste, écoutez bien, à préserver la tête et ses atours, le ventre et ses atours, se souvenir de la mort, de la disparition. Celui qui veut la demeure de l'au-delà délaissera la parure de ce bas monde. Celui qui fait tout ça aura alors éprouvé la véritable pudeur envers Allah. Azza wa Jalla. Donc on va prendre ce hadith partie par partie. La première partie, la véritable pudeur consiste à préserver la tête et ses atours. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Je vous pose la question. Ayoub, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Dans ta tête, dans le visage là. Qu'est-ce qu'on voit? Dans mon visage, qu'est-ce que vous voyez? Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, tous les membres avec lesquels on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu préserves la tête et tout ce qu'il y a dans celle-ci. Tu préserves tes yeux de regarder ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Tu préserves tes oreilles d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Tu préserves ta langue de prononcer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de az-zina, de la fornication. Et vous avez entendu hier le khutbah, le prêche sur la fornication. Et dans un hadith, il nous dit que les membres ont leur part de fornication. Il dit que les yeux ont leur part de fornication, qui est le regard. Les oreilles ont leur part de fornication, le fait d'écouter. La langue a sa part de fornication, le fait de parler. La pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala consiste à ce que tu préserves tout ça et que tu ne l'utilises pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et que tu préserves le ventre et ce qu'il y a autour. Maintenant, je laisse à l'un d'entre vous l'explication de cette partie du hadith. Qu'est-ce que veut dire préserver le ventre et ce qu'il y a autour du ventre? Hein? La nourriture et les rapports. C'est très bien. Mais comment? Non. Par exemple, la nourriture, tu ne manges pas ce qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui consomme l'alcool, est-ce qu'il a préservé son ventre? Non. Celui qui mange de la nourriture achetée avec de l'argent illicite, est-ce qu'il a préservé son ventre? Non. D'accord. Et ce qu'il y a autour du ventre, qu'est-ce qu'on retrouve autour du ventre? On retrouve les parties intimes. Donc ça fait référence à tout ce qui a un lien avec la fornication, zina. La véritable pudeur envers Allah, c'est de préserver ton ventre. Si tu as de la pudeur envers Allah, tu ne manges pas ce qu'il a interdit. Tu n'y introduis pas ce qu'il a interdit. Et si tu as de la pudeur envers Allah, tu préserves tes parties intimes. Tu baisses le regard et tu te préserves. Et c'est pour ça que, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a réuni les bases de la pudeur. Préserver ses membres de la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Puis il dit, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, et celui qui désire la vie de l'au-delà, celui qui veut entrer au paradis et trouver Allah satisfait de lui, تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, il délaissera la parure, la vaine parure de cette vie d'ici-bas. Celui qui a de la pudeur envers Allah, subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, va délaisser de ce bas monde ce dont il n'a aucune utilité. Et qu'est-ce qui a poussé les gens à se noyer dans ce bas monde avec ses différents péchés et ses nombreuses tentations, si ce n'est le manque de pudeur envers Allah, subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui a poussé les gens à se rendre dans des endroits interdits comme les boîtes de nuit, si ce n'est le manque de pudeur envers Allah et l'amour de cette dunya? Et la plus grande fitna, tentation de cette dunya, représente les femmes. Donc qu'est-ce qui fait pour l'homme? Donc qu'est-ce qui fait que la personne succombe à ses désirs, si ce n'est le manque de pudeur envers Allah Azza wa Jal? فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ إِسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ, celui qui fait toutes ces choses aura alors éprouvé la réelle pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, la pudeur peut être soit innée ou bien acquise. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir cette qualité en elle depuis qu'elle est née. Elle n'aura aucun effort à faire. Elle est née pudique et elle vit pudique. Et c'est une chose louable. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de pudeur, mais qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le Coran et la Sunna, ces personnes s'instruisent dans la religion, leur foi augmente, et parmi les branches de la foi, qu'est-ce qu'il y a? La pudeur. Si leur foi augmente, les branches augmentent. Donc la pudeur va augmenter. Et alors on dira de cette personne que la pudeur est une qualité acquise en elle. Et certains disent que les comportements qui ont été acquis sont meilleurs que ceux qui sont innés. Pourquoi? Car celui qui les a acquis a fait des efforts pour l'atteindre. La dernière chose concernant la pudeur, il y a une pudeur qui est blâmable et qui n'est en aucun cas louable. La pudeur dans l'apprentissage. La pudeur dans le fait de poser des questions dans sa religion. Celui qui, à cause de la pudeur, ne pose pas de questions dans sa religion, parce qu'il est timide ou bien il est pudique, alors il ne pose pas de questions. Cette pudeur n'a rien à voir avec la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, celui qui, à cause de la pudeur, quand il voit un mal, ne le réprimande pas, et ne donne pas le conseil à celui qui fait le mal parce qu'il a la pudeur ou parce qu'il est timide, cette timidité et cette pudeur ne sont pas des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Voici pour la pudeur. Le hadith de ce chapitre, عن أبي مسعود الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نجي l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم avait plus de pudeur que la Vierge dans sa chambrette. Lorsqu'il réprouvait une chose, on pouvait le reconnaître sur son visage. Ce qui est voulu par la Vierge dans sa chambrette, ici, les Arabes de l'époque, quand ils voulaient montrer l'exemple de la pudeur, qui était une bonne chose chez eux, une chose louable et aimée, ils comparaient la personne qui était pudique à la jeune fille qui arrive ou qui arrivera bientôt à l'âge de se marier et qui, par ses bons comportements, est très pudique. À un point où même quand elle est chez elle est discrète, et quand les gens viennent rendre visite à sa famille chez elle, elle se fait petite et discrète, de par la pudeur qu'elle a en elle, qui est une très bonne qualité. Cette fille-là, dont on parle et qui est louée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de pudeur qu'elle. Donc ça te montre le haut degré de pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu par exemple dans les chapitres sur le rire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il riait, qu'est-ce qu'on voyait de lui? On voyait un sourire. La plupart de ses rires étaient des sourires sallallahu alayhi wa sallam. Car il était pudique, alayhi salatu wassalam. Il baissait son regard. Il était timide, sallallahu alayhi wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Al-haya'u khayrun kullu. La pudeur est un bien. Et il y a une erreur à corriger chez certaines personnes, qui quand elles voient d'autres personnes pudiques, elles les blâment. Elles les critiquent et elles leur disent qu'elles en font trop. Nous disons que c'est une erreur de dire ça à une personne qui a la pudeur. Dans des choses raisonnables, bien sûr. Si la personne, au nom de la pudeur, fait des choses qui n'ont rien à voir avec la pudeur, alors à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce qui est voulu ici. Mais une personne qui est discrète, qui n'aime pas élever sa voix, qui n'aime pas la curiosité, qui n'aime pas se faire remarquer. On ne peut pas blâmer une telle personne et lui dire qu'elle a de l'abus ou de l'excès dans la pudeur. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La pudeur tout entière est un bien. » Donc on ne doit pas blâmer quelqu'un qui est pudique. Voici comment était le prophète, sallallahu alayhi wassalam. Puis, il nous dit, lorsqu'il réprouvait une chose, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas une chose, est-ce qu'il criait? Est-ce qu'il poussait des cris? Est-ce qu'il hurlait? Est-ce qu'il frappait? Est-ce qu'il dépassait les limites? Le compagnon nous dit, on pouvait le reconnaître sur son visage. C'est comme ça qu'on voyait qu'il réprouvait une chose. On le voyait sur les signes qu'il y avait sur son visage. Tout comme quand il était content, sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a vu dans les débuts de ce livre, que le compagnon Ka'b ibn Malik radiyallahu an nous a dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était joyeux, on le voyait sur son visage qui ressemblait à un morceau de lune, et quand il réprouvait une chose, on le voyait sur son visage sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la pudeur qu'il avait alayhi salatu wa sallam. C'est le seul hadith de ce chapitre jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi hijamati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant ce qu'on appelle en arabe la hijama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes la saignée. La saignée que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par la saignée, c'est une pratique de la médecine prophétique, une pratique médicale employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et approuvée au jour d'aujourd'hui par les médecins. Et même si les médecins ne l'avaient pas approuvé, ce qui vient dans la sunna nous est suffisant. Cette pratique consiste à faire sortir le sang de certains endroits du corps dans le but de faire sortir du corps ce qui est mauvais, comme microbes, comme maladies, comme sang mauvais, coagulé et autre chose. Et on a découvert que nombreux sont les vertus de la saignée. Beaucoup de gens étaient atteints de maladies graves, de maladies dont on n'espérait pas la guérison. Ils ont essayé de nombreux remèdes et n'ont pas trouvé la guérison. Puis quand ils ont pratiqué la saignée, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la guérison. La saignée est une très bonne chose. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a cité dans son livre Zadul Ma'ad, les provisions du retour, dans un des chapitres où il nous parle de la saignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous cite les différents points où il faut la pratiquer et les moments où il faut la pratiquer. Et il y a deux façons de le faire. La pratique qu'on pourrait dire traditionnelle et l'autre qui est faite avec l'appareil fabriqué pour. Pratique traditionnelle, ça consiste à prendre un verre de la taille d'une tasse de thé. Ensuite, prendre un morceau de papier comme un morceau de mouchoir, puis allumer ce morceau. Puis quand il est enflammé, le mettre au fond du verre. Et ensuite appuyer le verre sur le dos. Une fois que la personne va faire ça, le feu va s'éteindre. Et quand le feu va s'éteindre, la fumée ne pourra pas sortir, ce qui va provoquer un phénomène d'aspiration. Et alors le verre va rester collé au dos et va aspirer le sang du dos. La personne va attendre un moment et ensuite elle va décoller le verre. Puis elle va prendre une lame de rasoir pour faire des entailles sur cette partie où il y a les traces de sang. Et elle va recommencer la même opération pour que le sang sorte. Et pour la plupart des cas, le sang qui va sortir est un sang qui est coagulé. Et c'est un sang qui est en général mauvais, dans lequel il y a des microbes. Et pour la plupart des cas, les gens qui pratiquent la saignée retrouvent un grand bien en eux. La deuxième façon de le faire, c'est avec l'appareil qui sert tout simplement à aspirer le sang directement de la peau avec une forme identique à celle du verre et la personne va aspirer le sang et va faire ce qui est fait. Le premier hadith avant d'entrer dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans certains hadiths que parmi les causes de guérison utilisées par ma communauté ou sa communauté, il y a le fait de pratiquer la saignée. Shifa ou ummati fi thalath. Il dit, la guérison de ma communauté se trouve dans trois choses. Il cite parmi ces trois choses, la saignée, et il a aussi cité le miel. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit que dans le miel, il y a une guérison. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de médicaments contiennent du miel. Donc, la saignée est une guérison. Le premier hadith, عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. أنس بن مالك رضي الله عنه a été interrogé et on lui dit il a donc été interrogé au sujet du revenu de celui qui pratique la saignée. Celui qui pratique la saignée. Est-ce qu'il a le droit d'en gagner de l'argent ou non? Anas ibn Malik radiyallahu an a été interrogé sur cela. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est fait pratiquer la saignée. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un de lui faire sortir le sang avec la ventouse. Donc on lui a fait la saignée. Celui qui la pratiqua fut Abu Taïba. Donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Nafi'. Il a pratiqué la saignée sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ordonna qu'on lui remette 2 mesures de sa', de denrées. Ce qu'on appelle le sa', c'est ce qui correspond à peu près, par exemple pour le riz, à 3 kilos. Quand cet homme lui a fait la saignée et lui a pratiqué donc cette saignée, le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné un salaire. Qu'est-ce qu'il lui a donné? L'équivalent de 6 kilos de denrées, donc de nourriture. Alayhi salatu wa salam. Et parla en sa faveur au sien. Ici, l'homme qui a pratiqué la saignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base était un esclave. À l'époque, ils avaient des esclaves. L'esclave appartient à ceux chez qui il vit. Et quand, à l'époque, l'esclave travaillait et que son maître, on va dire, lui donnait la permission de travailler, l'esclave devait lui donner une partie de son salaire à son maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette nourriture à cet esclave qui lui a fait la saignée. Ensuite, il est allé voir le maître de cet esclave pour lui demander de baisser la somme qu'il lui demande, de lui demander moins à son esclave. C'est ce qu'il veut dire ici. Et parla en sa faveur au sien, si bien qu'ils réduisirent sa contribution. Donc ils ont accepté la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont demandé à leur esclave moins que ce qu'il lui demandait d'habitude. Il dit aussi, le mieux que vous puissiez utiliser comme remède est la saignée. Donc, dans ce hadith, on apprend 2 choses. Qu'un des meilleurs remèdes que l'on peut utiliser, c'est la saignée. La 2e chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pratiqué la saignée, a demandé qu'on lui pratique la saignée. Et il y a même 3e chose, celui qui prend une récompense pour cet acte n'est pas blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم se fit pratiquer la saignée et m'ordonna de remettre son salaire au poseur de ventouses, celui qui lui a enlevé le sang. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu an de donner un salaire pour ce service qu'il a rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ihtajama 'ala al-akhda'ain wa bayna al-katifain wa a'ta al-hajjama ajrah wa law kana harama lam yu'tih. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit pratiquer la saignée, et maintenant on va voir à quel endroit. On ne va pas voir tous les endroits, car il y en a beaucoup, mais on va en voir certains. Se fit pratiquer la saignée à 2 vaisseaux jugulaires et entre les épaules. Donc, les vaisseaux jugulaires, ce sont les 2 côtés de la nuque. C'est-à-dire, ces 2 endroits-là, que vous voyez. Donc il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la saignée à ces deux endroits-là. Et aussi, entre les deux épaules. Et certains disent que, parmi les gens de la médecine, que le sang qui circule le moins ou qui bouge le moins, c'est le sang qui se trouve dans le haut du dos, sur le haut du dos, entre les deux épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sortir ce sang-là, avec le sang des deux côtés de la nuque. Car il y a beaucoup de sang qui est coagulé et qui est mauvais. Et souvent, quand les gens pratiquent la saignée à ces endroits-là, ils sentent un bien dans leur corps. La saignée est bonne pour la migraine. Et elle est bonne pour beaucoup d'autres maladies. Elle a même été bonne pour certains cancers. Elle a même été bonne pour des femmes stériles et pour des hommes stériles qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et d'ailleurs, il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfants qui a pratiqué la saignée au niveau des ovaires et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant très peu de temps après cette sunna qu'elle a appris l'appliquer en elle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam se fit pratiquer la saignée à deux vaisseaux jugulaires et entre les épaules. Il donna au praticien de la saignée son salaire. Si ce dernier était interdit, il ne lui aurait point donné. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce hadith? Que prendre un salaire pour la saignée n'est pas une chose interdite. Hadith suivant. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم fit appeler un poseur de ventouse qui lui pratiqua la saignée, qui lui pratiqua une saignée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs compagnons nous disent que le prophète l'a fait. Donc, c'est une sunna, c'est une chose qu'il faisait plusieurs fois, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il demanda à combien se montait sa contribution qu'il devait à son maître. On vient juste d'expliquer de quoi on parle ici. L'homme qui a été appelé pour pratiquer la saignée était un esclave. Et l'esclave qui travaille devait donner de l'argent à son maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet esclave « Quelle est la contribution de ton salaire que tu gagnes, que tu dois donner à ton maître ?» Cet homme lui dit 3 mesures de sa'a. Le sa'a, c'est ce qui correspond à 3 kilos. Donc, à peu près 9 kilos de denrées, de nourriture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit diminuer cela d'un sa'a et lui donna sa rémunération. Donc il est allé voir le maître et lui a demandé de ne lui demander que 2 mesures au lieu de lui en demander 3. Et il lui a donné une contribution pour ce service qu'il a rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim rahimahullah a aussi cité une version du hadith précédent dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est fait pratiquer la saignée par un esclave, si on peut dire ça comme ça, de la tribu des Banu Bayada. Il lui a donc donné son salaire, puis il est allé parler à son maître pour lui demander de faire baisser sa contribution. Et si le salaire de la saignée était une chose mauvaise et illicite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas donné. Hadith suivant. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. دونك أنس بن مالك رضي الله عنه نجي المساجد الله صلى الله عليه وسلم se faisait pratiquer la saignée aux deux vaisseaux jugulaires et entre les omoplates. C'est ce qu'on vient de voir dans les hadiths précédents. Il se faisait saigner le 17, le 19 et le 21, c'est-à-dire du mois lunaire. Du mois lunaire. Donc, après avoir vu certains points où il faut le faire, on voit les dates. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a vécu 10 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il pratiquait la hijama, la saignée, le 17, le 19 et le 21 de chaque mois lunaire. Wallahu ta'ala alam. Et enfin le hadith d'Anas, encore une fois, wa anhu qal, inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama wa huwa muhrim. وهو محرم بملل على ظهر القدم. أنس بن مالك رضي الله عنه نجي le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit pratiquer la saignée à Malal. Malal, c'est un endroit dans la péninsule arabique qui se trouve, comme vous le voyez en dessous, entre la Mecque et Médine, alors qu'il était en état d'ihram, de sacralisation du pèlerin, et cela au coup de pied. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme leçon ici? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon, Amidou? Hein? Barakallah fik. Ça prouve qu'on a le droit de pratiquer la saignée en état d'ihram. L'ihram, c'est la sacralisation. C'est l'état dans lequel on entre pour accomplir le hajj ou la umrah. État dans lequel des choses qui nous sont permises nous deviennent interdites pendant tout ce moment. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui est cité dans les livres de jurisprudence. Quoi qu'il en soit, pendant cet état, pendant le hajj, la umrah, il peut faire une saignée. Le prophète l'a fait, alayhi salatu wassalam. Et il l'a fait au pied. L'imam Ahmed rahimahullah a un rajout qui dit de ce même hadith, min waji'in kana fi. Il l'a fait dans son pied à cause d'une douleur qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et on comprend que quand on a une douleur, on peut faire la saignée dans cet endroit où il y a une douleur afin de faire du bien à ce membre. Et avec ce hadith, nous avons terminé ce chapitre concernant la hijama, c'est-à-dire la saignée que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre suivant. Chapitre concernant les différents noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a plusieurs prénoms. Le plus connu, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais il en a plusieurs. Il a d'autres prénoms, sallallahu alayhi wassalam. Avant de rentrer dans ce chapitre, qui est-ce qui connaît certains autres noms du prophète, alayhi salatu wassalam? Le bien-aimé. Là. Ahmed. Naam, le bien-aimé, c'est-à-dire Al-Habib, c'est une description qu'on a faite de lui. Il y a une différence entre une description qu'on a faite de lui et un prénom qu'il a vraiment. Par exemple, toi, t'es un bien-aimé. Toi, tu es un bien-aimé. Tu l'es vraiment. Et ce n'est pas ton prénom. Vous avez compris? Tayyib. Le frère a dit Ahmed. Naam. Al-Mustafa, c'est pareil que ce qu'on vient de dire. C'est comme Al-Habib. C'est pas un prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un wasf, wasfun sifatun lahu min sifati. C'est une de ses qualités, alayhi salatu wa sallam. Donc on a Muhammad, Ahmed. Le plus généreux. C'est pareil. Ce n'est pas un prénom. Naam. Hein? Le din de Al-Amin. C'est pareil. Ce n'est pas un prénom du prophète, alayhi salatu wassalam. Abul Qasim, c'est la kunya. La kunya, c'est pas un prénom. Si par exemple, tu as un enfant qui s'appelle Abdullah, on va t'appeler Abu Abdullah. Ça, c'est une kunya. C'est pas un prénom. Naam. Hein? Tu as essayé, mashallah. Qu'Allah te récompense. Bon, on va rentrer, naam, al-mahi. On va rentrer dans les chapitres et vous allez voir les prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cinq prénoms. Il nous a dit inna li asma, c'est-à-dire j'ai plusieurs prénoms. C'est lui qui nous dit que ses noms sont ses prénoms sallallahu alayhi wa sallam. Il en a plusieurs et tous ses prénoms, en même temps qu'ils sont des prénoms, ils sont aussi des adjectifs qualificatifs. C'est-à-dire que tous les noms qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont des sens, et les sens qui découlent de ces noms, on les retrouve dans les comportements, dans la vie ou dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne, par exemple, peut s'appeler Karim. Elle peut s'appeler Karim. Karim veut dire généreux. Et pourtant, cette personne est une des plus grandes avares que la terre n'ait jamais connue. N'est-ce pas? Une personne peut s'appeler, par exemple, Halim, qui veut dire indulgent. Et cette personne n'a aucune indulgence, ne patiente pas avec les gens. Par contre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte un prénom, il est décrit par le sens de ce prénom. Vous avez compris? Le premier prénom, c'est Mohammed. Mohammed, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait ce que veut dire le mot Mohammed? Hein? Jam'u Mohammed, qu'est-ce que ça veut dire? Naam. Et qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Le digne de louange. Mohammed, c'est celui qui est loué abondamment. Celui dont les gens font beaucoup d'éloges. On loue quelqu'un qui a des bonnes qualités. On parle en bien de lui. Quelqu'un qui, sur qui on parle en bien, on dira qu'il est Mahmoud. Il est loué par les gens. Mohammed, c'est plus fort que Mahmoud. C'est celui qui est le plus loué par les gens. Et vous savez que tout le monde faisait ses éloges. Même les koufars de Quraysh parlaient en bien de lui, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il vienne avec le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui lui a donné son nom, c'est son grand-père. Son grand-père lui a donné son nom. À l'époque, les Arabes appelaient leurs enfants avec des noms. Ils espéraient que leurs enfants allaient être décrits par le sens de ce nom. Par exemple, ils appelaient leurs enfants Khalid. Khalid en français veut dire éternel. Ils donnaient ce nom à leurs enfants en espérant qu'il vivra longtemps. Ou bien Asi. Asi, c'est celui qui désobéit. En espérant que cet enfant désobéira à l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants de l'époque, on les appelait Hamd, c'est-à-dire louange, en espérant que les gens allaient les louer, allaient faire leurs éloges. Et le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de l'appeler Muhammad, celui qui est encore plus loué que les autres. Et c'est le seul d'ailleurs qui a été appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était vraiment quelqu'un de Muhammad, de loué par les gens. Deuxièmement, il dit wa ana Ahmad, et je suis Ahmad. Ahmad, c'est un superlatif en français, c'est-à-dire ici on voit qu'il y a Alhamd, c'est le superlatif de la louange, c'est-à-dire c'est celui qui loue le plus Allah Azza wa Jal. Alladhi akthara min ghayri akthara an-nasi, alladhi huwa aktharu an-nasi hamdan lillah Azza wa Jal. Je suis Ahmad. Ahmad, c'est celui qui loue le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième prénom, il dit wa ana al-mahi. Al-mahi veut dire l'effaceur. L'effaceur. Pourquoi il a été appelé l'effaceur? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, Allah azza wa jal a effacé la mécréance. Il a effacé l'association avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas 'ala qadami. Et je suis al-hashir, derrière les pas duquel les gens seront rassemblés, c'est-à-dire le jour du jugement. Al-hashir, c'est celui qui rassemble les gens. Celui qui rassemble les gens et qui les réunit tous, on dira de lui qu'il a fait ce qu'on appelle al-hashr, c'est-à-dire le rassemblement. Et parmi les noms donnés au jour dernier, yawm al-hashr, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour, pardon, du rassemblement. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a été appelé al-hashr. Pourquoi? Car tout de suite après qu'il sera ressuscité par Allah, subhanahu wa ta'ala, après sa mort, on rassemblera les gens derrière lui qui viendront pour le jugement. C'est pour ça qu'il dit « derrière les pas duquel les gens seront rassemblés ». Quand l'ange Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe pour réveiller tout le monde, le premier à se lever sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors on rassemblera derrière lui les gens et chacun sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit « wa ana al-aqib », c'est-à-dire « et je suis al-aqib ». Et al-aqib est celui après qui il n'y aura point de prophète. Al-aqib, ça vient de al-aqiba, ou bien de al-aqib. C'est une chose qui nous parle de la fin. C'est celui qui est venu après. Celui qui est venu après, on dira de lui aqib. Pourquoi il porte ce prénom? Car c'est lui qui est venu après tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, il n'y aura plus de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier. Il dit aussi alayhi salatu wa salam wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Je suis le dernier des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Alayhi salatu wa salam. Donc, que dire alors et qui va m'apporter la réponse? Isa alayhi salam. Ne va-t-il pas revenir? Isa alayhi salam va revenir à la fin des temps. Il va revenir sur terre. Il va casser la croix, tuer le porc et appeler les chrétiens à rentrer dans l'islam. Isa est un prophète, mais il va revenir. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le prophète alayhi salam a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Masha'Allah. Beaucoup de frères lèvent leurs mains. Qui est-ce qui va se tromper? Hein? Vas-y. Naam. Naam, barakallahu fik. C'est-à-dire que il n'y a pas de législation après lui. Ce qu'il faudra suivre après le prophète alayhi salam, c'est le Coran et la Sunna. Isa, quand il va venir en tant que suiveur du Coran et de la Sunna. Il ne va pas venir en tant que prophète. Donc, il va revenir juste pour faire ce qu'Allah lui demandera de faire. Mais il ne reviendra pas en tant que prophète. Le prophète dernier, c'est Mohammed, alayhi salat wa salam. Il va revenir en tant que serviteur d'Allah Azza wa Jal, à qui Allah a demandé de faire certaines choses, comme casser la croix, tuer le porc, appeler les chrétiens à l'islam. La preuve en est que quand il va arriver, et vous savez, ou certains savent, que quand Isa va arriver, il y aura Al-Masih al-Dajjal. Et si on s'étale sur ce sujet, on ne va plus s'arrêter. Mais Al-Masih al-Dajjal, c'est le faux Messie qui viendra à la fin des temps. Et il montre, il se fera passer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui accordera des dons pour éprouver les gens. Et alors il tuera des personnes, il coupera des corps en deux et il dira au corps, lève-toi. Et le corps se lèvera et se reconstituera devant les gens. Et il dira aux gens, je suis votre Seigneur, suivez-moi. Et beaucoup de gens vont le suivre. Et pendant qu'il sera là, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Isa alayhi salam. Isa va arriver, va descendre du ciel, et il sera accompagné de deux anges. Et il aura une main sur l'aile d'un ange, et l'autre main sur l'aile d'un autre ange, et il descendra doucement du ciel. Et quand le Masih al-Dajjal va le voir descendre, il va fondre de peur, car il va savoir que son heure est arrivée. Et Isa va le tuer. Ensuite, il va se passer certaines choses. Et quand Isa va rentrer à la mosquée, on va lui demander de diriger la prière. Et c'est là que Isa alayhi salam va refuser de diriger la prière. Et il va dire qu'il a été envoyé pour suivre cette communauté. Et ce sera quelqu'un de cette communauté qui dirigera la prière. C'est une des plus grandes preuves qui montre que Isa ne reviendra pas en tant que prophète, mais en tant que suiveur du dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici les cinq prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam cités dans ce hadith. À la fin de ce hadith, on nous dit Al-Aqib est celui après qui il n'y aura point de prophète. Certains parmi les gens de science, les savants du hadith, ont dit cette parole est la parole ou n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'un des rapporteurs du hadith. Et dans la science du hadith, ça s'appelle mudraj. C'est-à-dire qu'on a fait introduire cette parole dans le hadith de sorte à ce qu'on a l'impression qu'elle fait partie du hadith, mais elle n'en fait pas partie. C'est le commentaire d'un des rapporteurs de ce hadith. Et le commentaire, il est authentique, quoi qu'il en soit. Hadith suivant. An Hudhayfa, radiyallahu anhu, قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه أدي J'ai rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم dans une voie de Médine. Dans un des chemins de la ville de Médine, il l'a rencontré. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je suis Muhammad. On a vu ce que cela veut dire. Je suis Ahmad. Je suis Nabi al-Rahma. Ce n'est pas le prophète de la grâce, c'est le prophète de la miséricorde, plutôt. Je suis le prophète de la miséricorde. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Alayhi salatu wa salam. Suivre sa sunna est une rahma de la part d'Allah. C'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'écarter de sa sunna est un azab. Un châtiment de la part d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les atteignent des troubles ou que ne les touche un châtiment douloureux. Le prophète de la miséricorde, wa nabiyyu tawbah, arsalahu Allah azza wa jal liyahdiya bihi an-nas ila at-tawbati ila Allah. Le prophète du repentir, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé afin que les gens se repentent de leurs péchés, se corrigent, demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit al-muqaffi. Ici, dans le texte que j'ai devant mes yeux, je retrouve al-muqaffi. Dans certains autres textes, on retrouve al-muqaffa. Selon l'un des deux, il y a un sens. Si c'est al-muqaffi, al-muqaffi, c'est celui qui a suivi les traces des anciens prophètes. Celui qui a suivi les traces des anciens prophètes. C'est ça qu'on appelle al-muqaffi. Par contre, si c'est al-muqaffa, al-muqaffa sera celui qu'on a mis sur la trace des anciens prophètes et avec lequel on a scellé ou terminé le message des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Ces deux sens tournent autour d'une chose, c'est qu'il est venu après les prophètes, alayhi salatu wassalam, et qu'on doit le prendre comme exemple. Et qu'avec lui, il n'y a plus d'autre exemple à suivre que lui-même, sallallahu alayhi wassalam. Et il dit, wa ana al-hashir. Qu'est-ce que veut dire al-hashir? Qu'est-ce que veut dire al-hashir? Naam. Celui qui rassemble. Celui derrière lequel les gens seront rassemblés le jour du jugement. Et enfin, il dit, wa nabiyul malahim. Et le prophète de ce qu'on appelle en arabe al-malahim. Al-malahim, qui a été traduit ici par les grandes batailles, est le pluriel du mot malhama. Al-malhama hiya al-harb. Ce qu'on appelle al-malhama, c'est la guerre. Pourquoi est-ce que al-harb, la guerre, a été appelée malhama? Parce que summiyat bidhalika lishtibaki luhum an-nas fiha ba'dihim bi ba'd. Parce que ça vient du mot lahm. Lahm, c'est la viande, c'est-à-dire la chair des gens. Et on a appelé la guerre malhama parce que pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Les chairs des gens se mêlent les unes aux autres et se découpent et s'attaquent. Donc, ce qui est voulu ici, c'est le prophète des grandes batailles. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala et a mené des batailles dans le but de faire élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce dernier hadith, nous avons terminé le chapitre concernant les différents prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demain, incha'Allah ta'ala, on passera au chapitre concernant l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le décès du prophète alayhi salatu wa sallam. Et nous sommes très proches de la fin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'arriver à la fin de ce livre et de faire de nous des gens sincères. Barakallahu fikum. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.